1958, Hannah Arendt propose avec son livre « Conditions de l'homme moderne » de penser ce que nous faisons. Entendez par là de reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Et parmi celles-ci, le travail. Pourquoi est-il l'activité humaine prédominante de nos sociétés, pourtant touchée par le chômage et le désir de s'en libérer? Comment est-il à la fois ce qui nous enchaîne et nous humanise? Et enfin, de quelle manière fait-il de nous des consommateurs avant d'être des citoyens? On peut dire que les citoyens naissent libres, égaux, et ta, mais le travailleur ou l'étudiant ou machin, il est soumis. Il est soumis, oui. Et donc, si on lui enlève le travail, on lui enlève aussi cette soumission, quelque part. Oui, mais sauf que d'un autre côté, on a tous besoin, de façon vitale, d'avoir une activité. Ben oui. On n'est pas là à être comme des légumes, non, on est là quand même pour manipuler la matière. Non, mais je pense qu'on adopte le travail comme une forme d'exploitation. Il faut faire la nuance, il y a employé deux mots qui veulent dire deux choses différentes. Travail et activité. Qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi, j'aimerais bien le redéfinir, parce que finalement, essayer de retrouver, ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil, et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. Ouais, et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps, et c'est pour ça qu'on est dans la merde, et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs, travail feignant et tout le bordel. Et puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail feignant. Oh, et bah, un peu, en tout cas. Et moi, je revendique le lundi au soleil, le RMI en tant que travailleur social. Bonjour Aurore Mrejean. Bonjour Géraldine. Vous êtes ingénieure de recherche à l'Université Paris-Nanterre et chercheuse au laboratoire du changement social et politique à l'Université de Paris, ex-Paris Diderot. Vous avez co-dirigé avec Martine Lebovici le cahier de l'Erne Arendt et le carnet Hannah Arendt-Karl Jasper à propos de l'affaire Eichmann, donc aux éditions de l'Erne. Et on vous doit également Hannah Arendt et Emmanuel Lévinas aux éditions Palio. Arendt écrit dans sa condition de l'homme moderne que nous commençons à ne plus comprendre le sens même du mot travail. C'est un petit peu ce qu'on a entendu dans cet extrait du documentaire de Pierre-Carl, Christophe Coelho et Stéphane Gox qui s'appelle « Volem rien foutre al pays », à savoir qu'est-ce que le travail? Est-ce une activité comme une autre selon Arendt? Alors justement, effectivement, cet extrait était vraiment intéressant parce qu'il reflète bien la façon dont finalement aujourd'hui on appelle tout travail, c'est-à-dire quand on a et où finalement on assimile le travail à l'emploi. Et donc, par exemple, avoir une activité syndicale, on peut qualifier ça de travail. Avoir son emploi, c'est un travail. Une activité ménagère peut aussi être qualifiée de travail quand on fait le ménage chez soi. Bon. Et ce qui est intéressant dans l'approche d'Arène, c'est que elle, dans Conditions de l'homme moderne, elle distingue différentes les trois activités, et surtout elle traite des diverses ordonnances de la hiérarchie de ces activités, en fait. Telles que nous les connaissons à l'histoire de l'Occident, et ce jusqu'à l'époque moderne. Et donc elle analyse, donc d'une part, ces facultés humaines générales, qui naissent de la condition humaine et qui sont permanentes, et d'autre part, en fait, l'analyse historique a pour but d'arriver à comprendre l'évolution de la société. Donc elle commence, vous en avez un petit peu parlé hier déjà avec Carole Wiedmayer, donc la distinction qu'elle propose entre travail, œuvre, action, qui sont des activités fondamentales parce qu'elles correspondent aux conditions de base dans lesquelles la vie sur Terre est donnée à l'homme. Donc le travail qui est l'activité qui correspond au cycle biologique du corps humain. Donc travailler et consommer sont deux étapes du cycle de la vie biologique. Et donc la croissance et le métabolisme du corps humain dépendent des productions de travail. L'œuvre, c'est l'activité qui fournit un monde artificiel d'objets différents du milieu naturel. Et la condition de l'œuvre est l'appartenance au monde. Et la troisième activité, c'est l'action. Et c'est la seule activité qui met directement les hommes en lien avec les uns avec les autres, sans l'intermédiaire ni de la matière ni des objets. Et l'action donc correspond à la condition humaine de pluralité, et c'est vraiment l'action qui permet la liberté. Donc effectivement, il y a ces trois activités, Arendt les distingue, elle ne les oppose pas, C'est important de le dire. Il y a vraiment quand même, effectivement, on l'a dit hier avec Caroline Meyer, une sorte de montée en puissance dans son essai Conditions de l'homme moderne. C'est-à-dire que au début, elle fait une distinction entre le domaine privé et public, puis enfin, elle passe chapitre 3 au travail, chapitre 4 l'œuvre, chapitre 6 l'action. Il y a une montée en puissance. En revanche, elle ne va pas les opposer. Et d'ailleurs, c'est très difficile de saisir cette subtilité entre cette montée en puissance qui ne se réduit pas à une opposition. C'est-à-dire le travail n'est pas le mal et l'action le bien. Alors pas du tout. Et puis même montée en puissance, je suis pas complètement convaincue qu'on pourrait le qualifier de cette façon-là, parce que finalement ces trois activités qui sont liées à la condition humaine, c'est-à-dire que il faut bien se nourrir, il faut bien faire partie d'un monde, il faut un monde un décor disons humain pour l'homme l'action qui est vraiment ce qui permet à la liberté de prendre du sens, c'est-à-dire de faire exister quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, pour l'action, l'homme qui agit a besoin de l'animal laborant et de l'homo faber. Enfin, on peut pas. Donc, en ce sens-là, on peut dire effectivement qu'il y a une montée en puissance au sens où il y aurait une forme de hiérarchie, parce qu'effectivement, le plus humain, c'est ce qu'il y a de plus humain en l'homme, c'est justement d'être capable de cette liberté, alors que par exemple le travail au sens de où l'entend Arendt, de production consommation, c'est quelque chose qui est partagé aussi avec toute vie biologique, avec les animaux, ce qui ne veut pas dire du tout qu'elle dévalorise le travail, puisque ça fait partie des conditions, ça fait partie des conditions humaines en fait. Donc en ce sens-là, il n'y a aucune opposition, et quand on reproche à Arendt de dévaloriser le travail, on reviendra certainement dessus tout à l'heure. Oui, en fait, il n'y a pas de dévalorisation du travail. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de comprendre sa démarche. C'est-à-dire que cette distinction permet de comprendre pourquoi on en est arrivé à une société où le travail est devenu prédominant, dans le sens où elle l'entend. Voilà, enfin où elle l'entend et où, d'une certaine façon, enfin alors juste pour terminer là-dessus, effectivement, donc il y a il n'y a pas de cloisonnement entre les activités, et que un élément d'action, par exemple, est présent dans toutes les activités au sens d'initiative, un élément de travail est présent aussi dans toute forme d'activité au sens de où ce sont des activités des occupations de routine dans lesquelles nous gagnons notre vie. Donc voilà, il n'y a pas de séparation, pas d'opposition, et ces trois activités cohabitent en l'homme en réalité. Voilà. Mais ce qui est la différence, c'est que le travail, comme le dit Arendt en ouverture d'une sous-partie, donc de ce troisième chapitre sur le travail, a eu une ascension soudaine, elle dit, et spectaculaire après avoir été méprisée. Et effectivement, on voit bien qu'elle ne cherche pas tant à dévaloriser le travail, comme vous le dites, Aurore Moigenne, ce serait presque une incompréhension, un contresens de dire ça. En revanche, elle s'interroge quand même sur le fait que le travail ait pris toute cette importance au point de recouvrir les autres activités telles l'œuvre ou telle l'action. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on doit lire ce chapitre? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, elle montre comment le travail effectivement a pris une place prépondérante. D'abord avec Locke, où il est devenu. Donc John Locke, le philosophe qui effectivement a élaboré toute sa théorie à partir de la propriété privée. Voilà, c'est ça, où le travail est devenu vraiment le nécessaire à la propriété, avec Adam Smith. Où il est devenu la source de la richesse, et ensuite avec Marx, il a atteint vraiment son point culminant, puisque là il est devenu la source de la productivité. Donc bon, elle le détaille, hein, là je résume de façon mais donc avec l'époque moderne, effectivement, le travail a pris une place prépondérante, et elle montre qu'il est important de distinguer, parce qu'il a fini finalement par englober l'œuvre. Et ça, c'est une première étape qui est importante, parce que Marx, on en parlera aussi certainement tout à l'heure, mais le travail, cette façon-là de décrire le travail, a fini par englober aussi l'œuvre, et cette distinction on ne peut plus la voir en fait. Et ce qui est important aussi, ce que dit Arendt, c'est que toutes les langues européennes, elles se réfèrent aussi à l'étymologie l'étymologie et à l'histoire du mot travail, c'est que toutes les langues européennes anciennes et modernes distinguent, enfin, elles possèdent deux mots en fait, sans lien étymologique, pour désigner ce qu'aujourd'hui nous considérons comme une seule et même activité. Donc, par exemple, en allemand, on a arbeiten et werken, en anglais, labor et work, en français, travailler et ouvrer. Et en fait, dans tous ces cas, les équivalents du travail ont une connotation d'expérience corporelle, de peine et de tourment. Et dans la plupart des cas, même, ils s'utilisent aussi de façon significative pour les douleurs de l'enfantement. Donc, y a, dans le travail, il y a quelque chose voilà, qui est lié à l'expérience du corps. Et donc les temps modernes, et en général et Marx en particulier, alors c'est vrai que Arendt propose une critique de Marx, on reviendra certainement dessus tout à l'heure, mais tout en saluant sa pensée, en disant que c'est vraiment un grand penseur du travail, mais les temps modernes, effectivement, en raison de la productivité sans précédent de l'humanité occidentale, ont tendu à considérer tout travail comme une œuvre et à parler de l'animal laborant en des termes qui auraient mieux convenu à l'homo faber. Et donc, par exemple, quand Marx décrit définit le travail comme métabolisme de l'homme avec la nature, par lequel, donc, il dit le matériau est incorporé, et le matériau de la nature est adapté par un changement de forme aux besoins de l'homme. En fait, il parle, ce que dit Arendt, c'est qu'il parle physiologiquement, c'est-à-dire que tout ce que produit le travail est fait pour être absorbé presque immédiatement dans le processus vital, et cette consommation régénère le processus vital et produit une nouvelle force de travail nécessaire à l'entretien du corps. Et pour comprendre cette distinction entre travail et œuvre, en fait, il faut prendre en considération, dit Arendt, le caractère d'objet de ce monde, en fait, de la chose produite. Et par exemple, la distinction entre un pain dont la durée de vie moyenne ne dépasse pas une journée et une table qui survit à plusieurs générations est certainement beaucoup plus nette et plus décisive que la différence entre un boulanger et un menuisier. C'est-à-dire dans le travail qui est produit. Par exemple, le pain, on va tout de suite l'ingérer, ce qui va d'ailleurs convenir en fait au travail qui doit en fait subvenir à nos besoins en termes de production. D'ailleurs, Arendt dit tout ce qu'on produit dans le travail est condamné à être produit et à disparaître presque dans le même temps, alors que l'œuvre, au contraire, par exemple la table du menuisier, on va s'en servir, c'est ça ? Exactement. Et on voit beaucoup plus, si on prête attention à l'objet, donc c'est beaucoup plus significatif que de prêter attention au métier lui-même. C'est-à-dire qu'entre ce que fait un menuisier et un boulanger, bah, c'est assez difficile du point de vue de l'activité de saisir la différence. Alors que si on considère le pain et la table, on voit que le pain, on le consomme et qu'il dure à peine une journée, alors que la table est censée survivre à plusieurs générations et servir de décor au monde. Au monde humain. Qu'allez-vous faire d'eux ? Rassurez-vous, ils ne courent aucun danger. Au contraire, ils vont travailler. Que voulez-vous qu'il leur arrive de mieux ? Mais vous m'aviez promis qu'ils seraient libres. Le travail, ma belle, c'est la liberté. La révolution industrielle a remplacé l'artisanat par le travail. Il en résulte que les objets du monde moderne sont devenus des produits du travail, dont le sort naturel est d'être consommé, au lieu d'être des produits de l'œuvre destinés à servir. De même que les outils, bien que tirant leur origine de l'œuvre, ont toujours été employés aussi dans les processus de travail, de même, la division du travail, entièrement ajustée au processus de travail, est devenue l'une des principales caractéristiques des processus modernes de l'œuvre, autrement dit, de la fabrication, de la production d'objets d'usage. C'est la division du travail, plutôt qu'une mécanisation accrue, qui a remplacé la spécialisation rigoureuse exigée autrefois dans l'artisanat. On ne fait appel à l'artisanat que pour concevoir et fabriquer des modèles. L'œuvre passe ensuite à la production de masse, laquelle dépend aussi des outils et des machines. Mais en outre, la production de masse serait tout à fait impossible sans le remplacement des artisans et de la spécialisation par les travailleurs et la division du travail. C'était un extrait de La condition de l'homme moderne, évidemment, d'Anna Arendt, interprétée par Hélène Losser, chapitre 3, le travail. On a dans ce texte la distinction faite, on retrouve la distinction dont on vient de parler, Aurore Magène, entre le travail et l'œuvre, c'est-à-dire que même les produits de l'œuvre deviennent des produits de travail, du travail que l'on va consommer. Mais on a aussi cette distinction, vous avez bien parlé du menuisier et du boulanger, en disant ce qui compte, c'est plutôt de s'intéresser à l'objet qu'au producteur de travail. Mais effectivement, ici, Anna Arendt nous parle quand même de la division du travail et de la spécialisation, chose qu'elle distingue rigoureusement, alors que jusque-là, et c'est une approche peut-être faite à Marx, les deux étaient entièrement critiqués. Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est que les outils, en fait, même si ce sont des produits de l'œuvre, ils peuvent être utilisés dans le travail, et en ce sens-là, ils soulagent l'effort et la peine. Mais en fait, ils ne changent pas la nécessité elle-même du travail. C'est-à-dire qu'il y a une ils peuvent le faciliter, mais ils ne changent pas la nature même du travail. En revanche, dans la division du travail, là, il y a une importance vraiment de l'utilisation de l'outil qui est différente. C'est-à-dire que la division du travail, en fait, elle naît des processus de l'activité de travail, et elle ne doit effectivement pas être confondue avec le principe de spécialisation qui lui règne dans les processus de l'activité d'œuvre. C'est-à-dire que la spécialisation est guidée par le produit fini. Elle exige des compétences spécifiques qu'il faut organiser, alors que la division du travail présuppose l'équivalence qualitative de toutes les activités pour lesquelles, finalement, on ne demande aucune compétence spéciale. Et ces activités n'ont pas de finalité en soi, et en fait ne représentent pas, elles représentent en fait des sommes de travail qu'on peut additionner de manière quantitative. Et en ce sens-là, la division du travail, elle se fonde sur le fait, finalement, dit Arendt, que deux hommes peuvent mettre en commun leurs forces de travail et se conduire l'un envers l'autre comme s'ils étaient un. Et cette unité, en fait, c'est vraiment le contraire de la coopération. Donc, elle renvoie propre à la spécialisation. Voilà, c'est ça. Elle renvoie vraiment à une forme d'unité de l'espèce par rapport à laquelle les membres sont interchangeables, d'une certaine façon. Alors que, dans la division du travail, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que l'homme est assimilé à une fonction, il est interchangeable parce qu'il n'y a pas de qualification, on ne demande pas une qualification particulière, à la différence de la spécialisation de l'œuvre, où on voit d'abord le produit fini, on voit le résultat, et ça, là, la spécialisation de l'œuvre demande une qualification particulière, en fait, de l'homme. Ce que nous décrit ici Arendt dans le travail, est-ce que c'est une sorte de corruption du travail à l'époque moderne, à savoir fondé sur la division du travail qui, justement, va dépersonnaliser les travailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment l'essence, la définition du travail, que d'être fondé, justement, sur une dépersonnalisation de celui qui travaille? En fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est de prêter attention à la démarche d'Arendt. C'est-à-dire que en disant ça, l'objectif, c'est aussi de montrer comment le fait justement d'introduire le processus de travail dans la création de l'œuvre, finalement, contribue à attribuer à l'œuvre les caractéristiques du travail qui sont justement ceux de la consommation, et de la production. C'est-à-dire, et ça, si on le met en perspective avec le fait qu'une force collective de travail remplace une force individuelle, donc dans la spécialisation, on arrive à une situation d'abondance et ajouter à cela le fait qu'on perd de vue la spécialisation de l'œuvre. Donc on arrive, et ça permet à Arendt de montrer à quel point on est arrivé dans une société de consommation où l'œuvre elle-même est consommée. À un moment donné, elle dit oui, on consomme une robe comme on consomme une table, comme on consomme de la nourriture. Donc on est en ça et ce qui aussi est le signe qu'on atteint l'idéal de l'animal laborant, c'est que on est arrivé dans une une économie de gaspillage où finalement tout doit être consommé, que ce soit des voilà. Et ça, ça c'est pas pour dévaloriser le travail, c'est pour montrer comment l'extension du travail et le fait qu'il empiète, qu'il englobe, qu'il permette de ne plus percevoir la spécificité de l'œuvre et qu'il finisse par englober l'œuvre elle-même, eh bien contribue à nous placer dans une situation où on ne peut plus distinguer les deux et où ce qui fait les caractéristiques du travail, c'est-à-dire la consommation et la production, ce cycle-là empiète sur l'œuvre et fait que même ce qui était censé être les objets indispensables à la stabilité du monde finissent par être englobés dans ce processus et par être eux-mêmes consommés et voilà nous introduire dans un monde où finalement on n'a plus cette stabilité du monde parce que tout devient objet de consommation et comme il y a une abondance de gaspillage. Écoutez Arendt qui dit d'une certaine manière ce que vous venez de dire Aurore Moigen, c'est dans une voilà, vous retrouvez, vous êtes sur la même longueur d'onde, écoutez-la. Vous voyez, pour moi, le travail et la consommation ne sont que les deux faces d'un même phénomène, c'est-à-dire ce cycle où oscille la vie, où oscille toute vie. C'est pourquoi c'est si important et, me semble-t-il, si malsain, parce qu'il s'agit d'une manifestation de l'absence de monde. Le monde paraît ne plus avoir d'importance. Le monde compris comme lieu d'émergence du politique. Je l'entends maintenant dans un sens plus large, comme l'espace dans lequel les choses deviennent publiques, comme l'espace dans lequel on vit et dans lequel on doit paraître présentable, dans lequel l'art apparaît bien sûr. Mais dans le travail et la consommation, l'homme est totalement replié sur lui-même. Alors on retrouve dans cette archive du 28 octobre 1964, dans cette archive, une interview avec Günther Gauss, donc Anna Arendt, qui reprend effectivement le problème que vous avez soulevé, Aurore Moigen, entre le travail et la consommation. Dès lors que le travail prend les atours de l'œuvre, ce n'est plus un monde qui est construit, mais au contraire, en fait, un espace de consommation. Est-ce qu'on pourrait le définir comme ça ? Oui, si on veut un espace de consommation, en tout cas un espace de, enfin le travail fait émerger en tout cas, enfin avec la modernité, la société, ce qu'Arendt appelle l'espace social, c'est-à-dire par opposition à l'espace politique, au sens où effectivement le travail permet de faire vivre ensemble un ensemble d'individus qui sont organisés et c'est l'organisation disons publique du processus vital et qui dans laquelle les individus remplissent des fonctions par opposition à l'espace public, enfin ce qu'elle appelle l'espace public, où là l'action c'est vraiment quelque chose qui permet de faire émerger du nouveau parce que les hommes agissent et parlent ensemble et c'est cette rencontre là qui permet de faire émerger du nouveau et c'est ça qui peut contribuer à faire émerger la liberté, alors que dans le travail et l'espace social où on remplit des fonctions et où c'est plutôt l'économie, la statistique qui est la caractéristique. Là, on n'a pas de nouveauté. On peut prévoir quelque chose. Enfin, on peut prévoir le comportement humain. Alors que dans l'espace politique, cette prévision explose puisque justement, les hommes en agissant ensemble dans l'action plurielle font émerger quelque chose qui n'est pas prévisible. Ce qui semble paradoxal quand même dans l'approche d'Anna Arendt, ce n'est pas tant qu'elle dévalorise le travail. Au contraire, elle veut lui donner, on entend bien, une juste place. Elle veut lui redonner du sens, mais le sens qui lui revient et pas celui de l'œuvre ou de l'action, mais en revanche la place qu'elle lui attribue semble parfois un petit peu étroite, c'est-à-dire pourquoi en fait une société de travailleurs serait forcément condamnée en fait à une forme de passivité, à une forme de non-action, à une forme de soumission à la nécessité. Alors certes, elle définit le travail, elle identifie le travail et la vie, mais déjà, on pourrait quand même revenir sur cette identification-là. Est-ce qu'on ne peut pas se réaliser par le travail ? Est-ce qu'on ne peut pas atteindre quelque chose de soi en tant que sujet ? Et puis surtout, quand on travaille avec d'autres, on forme des corporations, il y a des syndicats, il y a des œuvres collectives, on est avec avec les autres. Les collègues ne sont pas juste, en fait, des compagnons de passage. Au contraire, ce sont véritablement des compagnons. Oui, mais en fait, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Déjà, le fait que... c'est ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation des activités et qu'une dimension de l'action est présente aussi dans les relations de travail au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont vous décrivez le travail, c'est la définition classique, celle de l'emploi finalement, une définition qu'on pourrait avoir aujourd'hui et qui englobe, qui désigne plutôt l'emploi. Mais que critique aussi Arendt. Alors justement, je crois que l'intérêt de la distinction d'Arendt, c'est de préciser finalement, de mieux comprendre et de mieux distinguer à l'intérieur d'une activité les différents paramètres. C'est-à-dire que ce qu'on appelle travail aujourd'hui, qui peut englober tout un tas d'activités, je crois que la démarche d'Arendt permet justement, même si et c'est ça, c'est là où est la difficulté, c'est de pas transposer ce qu'elle appelle travail à ce qu'on appelle travail aujourd'hui. Et je crois que l'intérêt, et ce qui permet d'éclairer aussi la situation dans laquelle on se trouve, c'est justement de voir comment ce que elle appelle travail, et donc encore une fois, comment elle le relie à cette dimension étymologique et historique, c'est l'évolution de cette notion de travail qui permet aussi de comprendre qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que le travail, finalement. Comme on disait au début, voilà, on comprend plus le sens du travail. On ne comprend plus le sens du travail. Donc, il me semble que c'est plus intéressant d'essayer d'être attentif à la démarche d'Arendt pour comprendre ce qu'elle peut apporter à cette confusion actuelle, plutôt que de prendre dans l'autre sens en disant voilà la situation actuelle dans laquelle on ne sait pas exactement. Bon, évidemment, le travail englobe entre collègues, il y a une dimension aussi d'œuvre, d'action. On peut s'accomplir. Alors après, ce qu'on entend par s'accomplir, c'est une autre, encore autre chose. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse, en partant d'une définition qui n'est pas du tout celle d'Arendt, lui reprocher de ne pas avoir donné cette définition. Mais quelle est la différence entre ma définition et celle d'Arendt? Disons que votre définition désigne, il me semble, ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui, ce qu'on désigne sous le terme d'emploi, c'est-à-dire qu'il peut regrouper un grand nombre d'activités, et alors que la démarche d'Arendt consiste à identifier des activités qui sont conditionnées par, qui ont chacune une condition, que ce soit le monde, pour le travail, la vie et l'action, et la pluralité pour l'action, et de voir comment elles ont évolué. Et donc il y a une dimension, évidemment, dans l'emploi, il y a une dimension de travail au sens où c'est une activité de routine par laquelle on gagne notre vie. Il y a aussi une dimension d'œuvre, ça dépend quel emploi on occupe, mais il y a une dimension d'œuvre et une dimension d'action, parce que évidemment qu'on peut, vous preniez l'exemple aussi des syndicats, des coopérations, là il y a effectivement une possibilité d'avoir une discussion et d'agir avec d'autres. Et ça, c'est une dimension d'action. Et donc le travail, si on l'emploie, si on le considère de cette façon-là, englobe effectivement ces trois types d'activités, mais qui gagnent à être distinguées pour mieux les comprendre et mieux comprendre leur interaction. Et est-ce qu'il faudrait justement peut-être envisager de faire un quatrième type d'activité, c'est-à-dire il y a le travail, il y a l'œuvre, il y a l'action, et puis maintenant en fait il y a l'emploi, qui justement en fait peut regrouper des traits divers, mais en fait mérite en fait d'avoir un sens à part entière, car il ne repose pas, il ne sera pas que sur le travail, il ne concerne pas que les nécessités de la vie, il y a quand même une forme de production d'un objet qui peut être plus ou moins durable, et puis enfin il y a une forme d'agir collectif. Je crois pas, parce que justement l'intérêt de ces distinctions, c'est de parce que dire que c'est un emploi finalement peut regrouper un nombre d'activités considérables qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et là, je pense aussi à ce que disait Günther Anders quand il a fait ses entretiens avec le pilote qui a largué qui pilotait l'avion de reconnaissance avant le largage de la bombe sur Hiroshima, qui parlait de cette activité entre guillemets comme d'un travail en fait. Il disait c'était mon travail et après il parlait aussi de cette réflexion sur ce qu'il avait fait en termes de travail. Donc tout était appelé travail. Et je crois que l'intérêt aussi de la démarche d'Arendt, c'est de rappeler quelles sont les significations des différentes activités humaines et de montrer leur la façon dont elles ont évolué et comment elles permettent de comprendre la confusion à laquelle on peut arriver. Donc dire que y aurait quatre activités, ça ferait que décaler le problème, parce que finalement on saurait toujours pas comment comment définir l'emploi, à part que il appelle un salaire et qu'il englobe un grand nombre d'activités humaines. On dit souvent que nous vivons dans une société de consommateurs. Et puisque le travail et la consommation ne sont que deux stades d'un même processus imposé à l'homme par la nécessité de la vie, ce n'est qu'une autre façon de dire que nous vivons dans une société de travailleurs. Cette société n'est pas née de l'émancipation des classes laborieuses, mais de l'émancipation de l'activité de travail qui précéda de plusieurs siècles l'émancipation politique des travailleurs. L'important n'est pas que, pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs soient admis en pleine égalité de droits dans le domaine public. C'est que nous ayons presque réussi à niveler toutes les activités humaines pour les réduire au même dénominateur, qui est de pourvoir aux nécessités de la vie et de produire l'abondance. Quoi que nous fassions, nous sommes censés le faire pour gagner notre vie. Tel est le verdict de la société. Et le nombre des gens, des professionnels en particulier, qui pourraient protester, a diminué très rapidement. L'émancipation du travail n'a pas abouti à son égalité avec les autres activités de la vita activa, mais à sa prédominance à peu près incontestée. Au point de vue du gagne-pain, toute activité qui n'est pas liée au travail devient un passe-temps. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Hannah Arendt, Conditions de l'homme moderne, troisième chapitre, le travail, sous-chapitre, une société de consommateurs, interprétée par Hélène Losser. Alors il y a dans ce texte, Aurore Mrejane, moi quelque chose qui m'interpelle. Alors on l'a entendu, hein, d'une part effectivement travail et consommation, qui ne sont que les deux stades d'un même processus. Et puis il y a en fait cette affirmation qui interpelle Hannah Arendt, qui dit « Nous avons presque réussi à niveler toutes les activités humaines pour les réduire au même dénominateur qui est de pourvoir aux nécessités de la vie. » Alors là, cette nécessité de la vie, j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus, Aurore Mrejane, pourquoi le travail est-il essentiellement lié chez Hannah Arendt, non pas à la liberté, mais à la nécessité, et d'autre part, en fait, à une dimension presque vitaliste. Même carrément vitaliste. Oui, c'est-à-dire qu'il est lié effectivement au processus biologique de la, enfin du fonctionnement biologique de l'être humain. Et là, ce qui est intéressant, effectivement, dans cet extrait, c'est que déjà, bon, Arendt montre que ce qu'on appelle une société de, enfin, quand on dit qu'on est dans une société de consommateurs, en fait, en réalité, ça revient à dire qu'on est dans une société de travailleurs, puisque, comme vous le disiez, travail et consommation sont deux stades d'un même processus et qui est effectivement imposé à l'homme par la nécessité de la vie. Et donc ça, voilà, c'est le point de départ. Donc c'est comme ça qu'elle définit le travail. Et donc pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que ce n'est pas la liberté ? Parce que la liberté, elle est liée à l'action. Ça, le processus vital, on le partage avec toutes les espèces biologiques, avec tous les animaux, toutes les qui sont confrontés à cette nécessité de consommer, de se nourrir et de reproduire ce cycle de production-consommation. Ce qui distingue l'être humain, c'est cette capacité de liberté, justement. Et cette capacité de liberté, elle se déprend de toute nécessité, de toute de dépendance biologique, même si elle en a besoin de toute façon pour exister, hein, cette dimension de l'homme agissant, ce qu'on disait tout à l'heure, donc cette porosité, ou du moins cette interpénétration des activités voilà, il n'y a pas de séparation, encore une fois. Et la liberté, on n'est pas dans le même... C'est ce qui permet d'émerger dans l'action plurielle, concertée entre les individus. Et là, en fait, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette société de travailleurs, en fait, elle n'est pas née de l'émancipation des classes laborieuses, mais de l'émancipation de l'activité de travail. Et ça, c'est très intéressant. Il faut que vous nous expliquiez. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, l'émancipation du travail renvoie au fait que l'animal laborant, en fait, a eu le droit d'occuper le domaine public Et que, alors que jusque-là, il faut le dire, il était dans en fait, le domaine privé, caché, parce que tout ce qui était lié aux nécessités vitales ne devait pas justement prendre la place, être visible dans l'espace public, mais devait rester caché. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, le travail était effectivement une activité antipolitique initialement. C'est-à-dire que c'est dans le domaine privé que d'ailleurs, Arendt distingue, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le travail du corps et l'œuvre de nos mains, en reprenant la distinction de Locke. Donc effectivement, dans le travail, il y a cette dimension, qui est dans le domaine privé. Et là, en fait, avec l'émancipation du travail, donc l'animal laborance a eu le droit d'occuper ce domaine public, mais cette occupation, en fait, elle ne peut pas aboutir à un réel domaine public ou politique au sens où l'entend Arendt, en fait. Elle signifie seulement que des activités privées sont exposées au grand jour. Et donc, en fait, la société constitue l'organisation de publique du processus vital et elle égalise les individus. Et ça aussi, c'est peut-être une différence importante quand vous posez cette question sur la question de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une égalisation des individus qui sont finalement tous égaux dans ce rapport à la nécessité, cette égalité, en fait, cette égalisation plutôt, elle s'oppose à une égalité en liberté, disons, qui ne peut s'atteindre que dans le domaine réellement politique, où les hommes agissent et parlent et ensemble et pour faire émerger justement quelque chose qui, enfin, la liberté, donc quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et donc, pour avoir en fait une société de travailleurs, il n'est pas nécessaire que ses membres se considèrent, enfin, soient tous des ouvriers. C'est pas du tout ça, en fait, une société de travailleurs, mais il faut simplement que ses membres considèrent leur activité, quelle qu'elle soit, comme essentiellement un moyen de gagner leur vie et celle de leur entourage. Ce qu'on entend d'ailleurs dans Gagne-pain, voilà, et passe-temps. Voilà, exactement. Et donc, en fait, la société, pour Arendt, c'est cette forme sous laquelle on donne une importance publique au fait que les hommes dépendent les uns des autres pour vivre, en réalité. Et donc, ce qui est important, c'est que pour la première fois dans l'histoire, elle dit, dans cet extrait, on a presque réussi à niveler toutes les activités humaines pour les réduire au même dénominateur, qui est de pourvoir aux nécessités de la vie et de produire l'abondance. Et donc, ce qu'elle dit aussi, c'est que quoi que nous fassions, nous sommes censés le faire pour gagner notre vie. Et donc, à cette aune-là, tout est nivelé au niveau de ce qu'elle appelle le gagne-pain. Et donc, dans les théories du travail qui s'opposent aux théories du jeu, par exemple, toute activité sérieuse, en fait, est qualifiée de travail. Et toutes les activités qui ne sont pas nécessaires à la vie de l'individu ni au processus vital sont rangées parmi les amusements. Donc, de ce point de vue-là, par exemple, même l'œuvre de l'artiste se dissout dans devient un passe-temps, on va au théâtre, voilà, pour passer son temps. On va au théâtre comme pour passer son temps. On peut comparer à une partie de tennis. Disons que du point de vue du gagne-pain, toutes les activités qui ne sont pas du travail sont considérées comme du amusement. Donc, pour reprendre votre question de tout à l'heure sur la question de l'emploi, voilà pourquoi c'est important de conserver ces trois distinctions et que finalement, en avoir une quatrième qui serait l'emploi, ajouterait encore, de la confusion, puisque elle contribuerait à identifier le travail au gagne-pain, du coup, au sens où l'entend Arendt, et à considérer les autres activités comme des passe-temps. Alors, il faut aussi quand même, Roy-Marie-Jeanne, parce que depuis tout à l'heure, le travail, on peut le dire quand même, en prend un petit peu pour son grade. C'est-à-dire que, on a beau dire que Arendt ne dévalorise pas le travail, elle voit quand même que toute la place qu'il prend corrompt l'œuvre, empêche l'action collective et donc la liberté, qu'on va montrer au grand jour jusque-là des activités qui étaient réservées en fait à un espace privé. Or, il faut quand même dire que Arendt dit, dans Conditions de l'homme moderne, à cette phrase sur la joie de vivre qui est celle du travail et qui ne se trouvera jamais dans l'œuvre. Elle ne saurait se confondre avec le soulagement, la joie inévitablement brève qui suivent l'accomplissement et accompagne la réussite. Le bonheur du travail, c'est que l'effort et sa récompense se suivent d'aussi près que la production et la consommation des moyens de subsistance, de sorte que le bonheur accompagne le processus, tout comme le plaisir accompagne le fonctionnement d'un corps en bonne santé. Ça, quand même, il faut le dire. Chez Arendt, le travail, dès lors qu'il occupe une juste place, procure à chacun, et notamment dans le corps, un sentiment de soulagement et de satisfaction. Oui, et effectivement, encore une fois, c'est ce sentiment-là de bonheur ou de satisfaction, il est vraiment lié au corps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépensé cette énergie au travail, il y a ce bonheur de pouvoir, enfin dans le repos, de pouvoir ce qu'elle décrit très bien dans le texte que vous venez de lire, qui n'est pas du tout la même joie que celle qu'on peut avoir, par exemple, quand on termine une œuvre, ou celle qu'on peut avoir dans l'action. Celle du travail est liée au corps, justement. Donc là encore, ces types de satisfactions sont distingués en fonction du type d'activité auquel elles se réfèrent en réalité. Mais comment prendre conscience en fait de cette juste place du travail ? Est-ce qu'en fait le problème revient à une transformation de nos sociétés justement puisqu'on a un avènement du social ? Est-ce qu'il s'agit de l'avoir en tête, c'est-à-dire en gros de connaître les contraintes qui nous déterminent ? Est-ce qu'il faut engager en fait quelque chose, une action justement politique pour remettre le travail à sa place ? Est-ce que moi, qui suis à la fois animal laborant et homo faber, dois-je en fait me dire là ça relève du travail, là ça relève de l'œuvre ? Quelle est la solution en fait pour que ces trois activités cohabitent sans se piétiner ? Alors en fait, je crois que là encore une fois, il me semble que l'intérêt de la démarche d'Arène, c'est de comprendre en fait la société dans laquelle on vit et de comprendre l'évolution de la société. C'est-à-dire que ces distinctions, elles sont intéressantes en soi, mais elles sont surtout intéressantes pour comprendre, par exemple, la société de pour comprendre le gaspillage, la façon dont, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure, à quoi, enfin, finalement, quelle est la conséquence de cette prédominance du travail, par exemple, sur l'œuvre. La conséquence, c'est cette société de gaspillage dans laquelle on vit, où l'économie qui a pris le pas aussi. Donc, il me semble que cette démarche, elle est intéressante pour comprendre en fait l'évolution de notre société. Pas pour se dire voilà, alors maintenant qu'est-ce que je fais avec mes trois activités, j'en suis où, voilà. C'est plutôt pour comprendre déjà donc là on disait sur cette prédominance du travail sur l'œuvre qui peut permettre de comprendre justement la société de gaspillage dans laquelle on est, mais aussi sur la question de la société de consommateurs, comment finalement on arrive à effectivement niveler les activités et à ne plus savoir ce que signifie le travail, et que finalement ce qui est sérieux, c'est de gagner sa vie en fait. C'est l'activité sérieuse, c'est de gagner sa vie, et que toutes les activités qu'on pourrait faire qui seraient pas liées à cette nécessité-là sont considérées comme non sérieuses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à prendre en compte aujourd'hui dans la façon dont on fonctionne, pour se rappeler en fait justement que c'est pas du tout une évidence en fait. Et que ce qui paraît être une évidence, c'est-à-dire de considérer tout ce qu'on fait comme, enfin, parce qu'on gagne sa vie, comme quelque chose de sérieux, non. Et l'intérêt de l'analyse d'Arène, c'est de nous rappeler ça et que finalement il y a beaucoup d'autres activités qui sont liées à l'être humain et qui ne sont pas du travail. Et donc je pense que l'intérêt est là. Et par ailleurs, après, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il faut faire, je crois que dans l'introduction, ce que dit Arendt, c'est que ce qu'elle entend faire dans ce livre, c'est pas de donner des réponses politiques à ces problèmes, c'est d'inviter à penser ce que nous faisons. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Donc penser ce que nous faisons, c'est déjà se demander ce qu'on fait là quand on appelle tout travail, quand on pense que on disait tout à l'heure le pilote dont je parlais de l'entretien avec Günther Anders parlait de largage de la bombe comme d'un travail. Voilà, c'est plutôt ça qui permet d'éclairer et de distinguer, parce que je pense que la distinction est vraiment importante, et c'est ce que permet de faire Arendt, il me semble. Et c'est aussi dans ce prologue, dont on va entendre un extrait, que Arendt met en garde les hommes sur l'automatisation, mais aussi sur la perspective d'une société de travailleurs sans travail. Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais. Enfoiré, ouais. Moi, j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, oh, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien, au moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade, et pire, ça n'a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. L'automatisation, en quelques décennies probablement, videra les usines et libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel, le fardeau du travail, l'asservissement à la nécessité. L'époque moderne s'accompagne de la glorification théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la société tout entière en une société de travailleurs. Le souhait se réalise donc, comme dans les contes de fées, au moment où il ne peut que mystifier. C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail. Et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Dans cette société qui est égalitaire, car c'est ainsi que le travail fait vivre ensemble les hommes, il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. Même les présidents, les rois, les premiers ministres voient dans leurs fonctions des emplois nécessaires à la vie de la société. Et parmi les intellectuels, il ne reste que quelques solitaires pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres et non comme des moyens de gagner leur vie. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Alors c'était bien un extrait du prologue, hein, « Conditions de l'homme moderne » d'Anna Arendt, interprété par Hélène Losser, qui renvoie en fait à ce troisième chapitre sur le travail, puisque effectivement cette perspective d'une société de travailleurs sans travail, rien de pire selon Anna Arendt, effectivement c'est là où on voit qu'il y a une véritable importance du travail, c'est que c'est le travail qui permet effectivement d'accéder en fait à des activités plus hautes et plus enrichissantes comme l'œuvre et comme l'action. Je dirais pas que le travail permet d'accéder à des activités plus hautes, en fait, mais surtout, enfin, je crois que ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est la façon dont Arendt montre qu'à la fois il y a eu, d'un point de vue théorique, une glorification du travail, et que dans le même temps, les progrès de l'automatisation font que cette glorification théorique peut s'accompagner d'une possibilité qui devient qui n'est plus utopique que de se débarrasser du travail, en fait. Et ça, c'est intéressant aussi pour cette question du temps libre, parce que finalement, elle dit, on ne sait plus rien des activités plus hautes pour lesquelles il serait intéressant pour lequel ce temps libre prendrait sens, en fait. Ce qui veut bien dire que le travail ne donne peut-être pas accès, effectivement, c'est peut-être pas la bonne manière de le dire, à l'œuvre et à l'action, mais en attendant, l'absence de travail, la libération du travail ou le chômage conduit à une forme de désœuvrement. On pourrait le dire comme ça. Or, on retrouve bien ce terme d'œuvre où effectivement, en fait, quand on n'a pas le travail, il manque aussi, en fait, une des trois activités de la vita activa. Oui, mais effectivement, mais tout cela prend du sens si on se souvient que le travail, d'un point de vue théorique, a pris le pas sur les autres activités. Et donc, ce qui est terrible, c'est que dans ce contexte-là, où le travail est prédominant, il n'y en est plus. Parce que cette idée est prégnante et que l'automatisation peut contribuer à priver les hommes d'un travail, alors même que l'idée est devenue, enfin alors même que cette activité a pris le pas sur les autres. Et donc ça pose la question du temps. Et donc là, encore une fois, Arendt fait aussi une critique de Marx quand elle dit que là où il s'est trompé, c'est que il pensait que ce temps libre serait consacré à des activités plus hautes et tout ça, alors qu'en fait elle dit ce temps libre il est finalement consacré à la consommation, parce que le travail il est lié à ce cycle de production-consommation. Donc finalement le temps libre dans le contexte du travail, il est toujours utilisé à la consommation. Et même si on réduit la proportion l'effort du travail est réduit grâce aux machines, la proportion est plus importante consacrée à la consommation. Et donc, on consomme. Et c'est ça qui devient encore plus prégnant. Tout le paradoxe que vous met en avant Arendt, c'est donc que supprimer le travail ne revient pas à arracher l'homme aux nécessités vitales, puisque de toute façon, nécessité vitale, il y a, donc on ne peut pas s'en passer. Mais au contraire, l'arracher au travail revient en fait à intensifier ce besoin des nécessités vitales, c'est ça ? En tout cas, à intensifier à la consommation, puisque cette consommation est liée au travail, en réalité. Ça, c'est quelque chose qui finalement, le problème revient à offrir un nombre suffisant d'occasions d'épuisement quotidien pour maintenir intacte la capacité de consommation. Alors, on entend aussi à la fin en fait du chapitre sur le travail, Hannah Arendt qui dit que nous vivons dans une société de travail qui n'a pas assez de labeur pour être satisfaite. C'est-à-dire qu'on est dans une société de travail qui finalement a mis le travail au premier plan, veut s'en débarrasser, mais en même temps ne mise pas du tout sur le labeur qui procure peut-être cette joie de vivre du travail dont elle parlait auparavant. Oui, c'est ça. Enfin, c'est tout la question qu'elle pose du temps libre et même du temps vide. Enfin, ça, c'est aussi un autre texte qu'on a publié avec Martine Lebovici dans le cahier de l'Inde qui s'appelle sur la cybernétique en fait, et où elle montre, par opposition ou en tout cas en distinguant de la révolution industrielle les nouveautés induites, par l'automatisation. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a une pyramide inversée, c'est-à-dire que au lieu que la majorité travaille pour la minorité. Maintenant, en fait, c'est la minorité qui travaille pour la majorité et que finalement, cette nouvelle hiérarchie cache un autre renversement qui concerne le statut social et que finalement, les cadres qui occupent des emplois supérieurs, elle dit, triment désormais comme seuls trimaient les autres au pire moment de la révolution industrielle. Et ça, c'est un changement décisif. C'est-à-dire que plus un emploi est inférieur, plus il laisse de temps libre. Et ça, c'est pas. Alors c'est une conférence qu'elle prononce en 64. Elle dit ça, c'est pas du temps de loisir, c'est ce qu'elle appelle à ce moment-là du temps vide. Et ce temps vide, en fait, c'est la pire des choses, parce que ce sur quoi insiste Arendt, c'est que l'homme est un être conditionné, qu'il n'y a pas de nature humaine et que finalement tout ce qu'on rencontre, enfin tout ce que l'homme rencontre, se transforme en condition de son existence. Après, bon, et lui-même, ce qui crée se transforme aussi en condition de son existence. Mais que le problème, c'est que le temps vide, en fait. Ça n'est pas un facteur conditionnant. Et que ça, le temps vide, c'est du néant. Et que par rapport à ce néant, on ne peut pas s'adapter. C'est presque comme la culture de masse aussi. Voilà, oui. Merci beaucoup, Rorma et Jean. De vous, on peut lire le cahier de l'Erne Arendt et le carnet Hannah Arendt, Karl Jasper à propos de l'affaire Eichmann, paru donc aux éditions de l'Erne, que vous avez co-dirigé avec Martine Lebovici, qu'on recevra jeudi à ce micro. Vous avez aussi publié La figure de l'homme, Hannah Arendt et Emmanuel Lévinas aux éditions Palio. Et j'en signale aussi votre documentaire radiophonique intitulé Arendt et le procès Eichmann, la controverse, qui a été diffusé sur France Culture en 2013 dans l'émission La fabrique de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home,